franceinter.fr. Bonsoir. Quand on parle de l'assassinat d'un président des États-Unis, viennent tout de suite en tête les images de John Fitzgerald Kennedy, abattu dans sa décapotable à Dallas le 22 novembre 1963. Pourtant, d'Andrew Jackson en 1835 à Barack Obama, des présidents américains tués ou victimes de tentatives d'assassinat, il y en eut beaucoup d'autres. C'est du complot de Baltimore que je vais vous parler ce soir, mené en 1861 contre Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Abraham Lincoln, un long corps de près de 2 mètres, engoncé dans une redingote, le regard droit et austère. Le petit paysan pauvre de l'Indiana, qui a appris à écrire dans une cabane de rondins, a été élu président en 1860. Mais l'homme, qui a clairement exprimé son opposition à l'esclavage, ne fait pas l'unanimité. Le pays est divisé, violent, à la gâchette facile. C'est encore l'époque de la conquête de l'Ouest, des guerres indiennes et des attaques de trains. En 1861, Lincoln, il le sait, est un homme en sursis. L'histoire étonnante du complot de Baltimore, un vrai thriller, je vais vous la raconter ce soir à travers le regard d'une détective de l'agence Pinkerton, Kate Warne, la première femme détective privée. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Liliane Kerjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, spécialiste des États-Unis. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la littérature américaine, surtout, et vous sortez dans quelques jours une biographie sur Abraham Lincoln. Pourquoi ce personnage, vous le trouvez spécialement attachant ? Oui, parce qu'il est tout à fait hors du commun. Comme vous disiez, parti de rien, né dans une cabane de rondins, il termine sa vie président des États-Unis. Entre-temps, il a été garçon de ferme, batelier, épicier. Bûcheron. Ensuite, bûcheron, voilà, un fendeur de traverse, comme on disait à l'époque. Dégingandé, un peu maladroit dans ses grands membres. Et puis, il a finalement été autodidacte, fait des études de droit, est devenu avocat. Il s'est intéressé à la politique, il a été élu dans l'Illinois, puis au Congrès. Et finalement, il a été le candidat pour le parti Whig, qui va devenir le parti républicain, pour la campagne présidentielle. Donc, c'est un parcours extraordinaire, finalement. Un self-made man américain. Voilà. Et qui a le sens pratique et qui est bon avocat. Donc, fin dans la plaidoirie, tenant compte des gens, et très apprécié. Alors, avant d'écouter la fiction sur le complot de Baltimore, une histoire complètement incroyable et pourtant absolument authentique, pourriez-vous, Liliane Kerjean, nous rappeler ce que sont les États-Unis en 1861, donc quand l'histoire va débuter ? Alors, Lincoln a un peu plus de 50 ans, et pour ce qui est des États-Unis, ils ont un peu plus de 70 ans. C'est un pays jeune, c'est un pays en consolidation, ou on pourrait même dire en construction, et qui est taraudé par trois questions, l'expansion territoriale, puisque les colonies anglaises du départ étaient sur la côte est. Donc on a successivement l'achat de la Louisiane, l'Espagne qui cède la Floride, l'annexion du Texas. Et puis, milieu du siècle, des caravanes qui traversent le pays vers l'ouest pour gagner l'Oregon. La ruée vers l'or en Californie, bien sûr, en 1849. Et puis, au fur et à mesure, l'admission de nouveaux États. Donc, c'est une mosaïque géographique en construction où se posent tous les problèmes de communication, d'occupation du territoire et, évidemment, la question des Indiens. Qui a toujours, il y a encore beaucoup de guerres indiennes à ce moment-là. Et voilà, il y a encore des guerres indiennes. Il n'est pas un foudre de guerre, Lincoln. Mais évidemment, il est pour l'expansion de son pays et surtout pour que les nouveaux États qui seront créés ne soient pas gâchés par l'esclavage. Oui, la grande question, c'est l'esclavage, donc qui risque de désunir le nord et le sud du pays. Et oui, alors... L'année précédant sa naissance, le président, qui était Madison à l'époque, via le Congrès, a fait interdire la traite des esclaves. Donc, on a pensé pendant un moment que s'il n'y avait plus de traite, les esclaves disparaîtraient de leur propre mort. Mais en fait, il y Il y avait une reproduction, il y avait aussi des métis, il y avait un peu de traite clandestine, si bien que l'esclavage perdurait en particulier dans le sud, parce qu'ils étaient essentiels à l'économie, c'était une force de travail. Et donc les plantations, la plantation de Washington, la plantation de Jefferson, toutes ces grandes propriétés de Virginie étaient basées sur le travail des esclaves. Oui, on est dans une situation assez paradoxale, contradictoire, puisque la Constitution américaine proclame l'égalité des êtres humains. On est dans la tradition de la Révolution française, du siècle des Lumières. Oui, des Lumières. Et en même temps, on est dans cette situation où il y a encore donc de l'esclavage, même, vous venez de le dire, Lilian Kerjean, Washington et Jefferson, qui sont des présidents, sont eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Absolument. Et quelle est la position, de Lincoln, Lincoln sur l'esclavage? A toujours vu des esclaves dès son enfance. Donc ça fait partie de son paysage mental. Mais sentimentalement, il est très choqué au milieu du fleuve lorsqu'il rencontre des esclaves sur un bateau qui sont tous enchaînés. Et il est avec son camarade Speed et il lui dit « Mais c'est terrifiant ce qu'on voit là, il faut que ça cesse. » Donc il est émotivement convaincu qu'il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et il ne va avoir de cesse que de faire avancer cette cause. Donc il est militant dès qu'il est installé au Parlement. Donc le 1861, c'est une date un peu charnière justement pour les défenseurs et les opposants de l'esclavage. Ah oui, les partis éclatent vers 1860 parce que personne ne s'y retrouve sur la question de l'esclavage et donc les Whigs vont aussi éclater, ce qui va permettre l'ascension de Lincoln. Abraham Lincoln donc a été élu président des États-Unis le 6 novembre 1860, mais l'investiture ne se fera que le 4 mars. C'est donc dans cette période charnière qu'une jeune détective new-yorkaise, Kate Warne, débarque à Baltimore, une ville à la frontière du Nord et du Sud. Venue enquêter pour un simple vol de rail, elle va découvrir une affaire d'une toute autre envergure. Lilian Kerjean, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter Abraham Lincoln, le complot de Baltimore, un texte original de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, à la réalisation Baptiste Guiton. Je me suis déjà fait mon opinion sur Baltimore. Cette ville est violente et sale, à la hauteur de sa réputation. Ça fait à peine 4 jours que je suis là, engoncée dans cette robe à frou-frou que je pose en riche héritière originaire de l'Alabama. Ça me paraît déjà une éternité. Je me sens pas à l'aise. Vivement que je rentre chez moi à New York. En même temps, on dirait que Pinkerton a vu juste en me choisissant pour cette mission. Mon air de jeune fille perdue semble fonctionner. Vous vous plaisez à Baltimore ? J'adore votre ville, mais je ne connais pas encore grand monde. Ça viendra. C'est gentil à vous de m'inviter. Votre mari n'est pas là ? Il est à sa réunion des volontaires nationaux. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de milice. Mais Cipriano n'aime pas que j'utilise ce mot. Ah. Un groupe de défense, si vous voulez. Restez donc à dîner, il vous expliquera. Cette brave Ariette Ferrandini s'est entichée de moi dès notre première rencontre. La pauvre. Elle s'ennuie chez elle toute la journée. Elle m'a prise sous son aile, sans se douter que notre rencontre au marché n'avait rien de fortuite. Son mari, Cipriano Ferrandini, est le chef des volontaires nationaux, l'une des milices armées les plus dangereuses de Baltimore. Il est sur la liste des personnes que je dois surveiller. Baltimore, une grande ville au nord-est des États-Unis. Kate Warne est détective privée, la première femme américaine à exercer ce métier. Le jour où Alan Pinkerton avait vu débarquer dans son bureau cette jeune femme mince et brune, il avait pensé qu'elle venait pour un emploi de secrétaire. Mais non, elle voulait être détective. D'abord réticent, Pinkerton avait fini par céder à ses arguments. Quoi de mieux qu'une femme en apparence innocente pour obtenir des informations ? Et c'est ainsi qu'à 27 ans, veuve et sans enfant, Kate Warne est devenue une des meilleures détectives de son agence. Disponible, perspicace, elle excelle dans l'art de la dissimulation. Elle est aujourd'hui à Baltimore pour enquêter sur des vols d'équipements de train. La société des chemins de fer suspecte plusieurs bandes organisées. Mais Kate est à 10 000 lieues d'imaginer ce qu'elle va découvrir. Vous avez l'accent du sud, mademoiselle Warne. Mais je n'arrive pas à le placer. Je viens d'Alabama. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous connaissez l'Alabama, monsieur Ferrandini? Non, pas vraiment. Sinon, vous sauriez. Ah. L'Alabama est d'un ennui mortel quand on ne travaille pas. Ah. Du coup, je voyage. Mais vous, l'ennui, vous ne connaissez pas. Harriet m'a dit qu'en plus d'être un excellent coiffeur, vous vous occupez d'une association militaire. Les volontaires nationaux sont bien plus qu'une simple association. Nous sommes plus d'une centaine à nous entraîner dans les mêmes conditions que l'armée. C'est très impressionnant. Tout son temps libre passe là-dedans. Je ne le vois plus beaucoup. Oui, mais votre mari se maintient en grande forme physique. Ils passent leur temps à se rouler dans la boue. Vous imaginez la lessive que j'ai derrière. C'est bien plus qu'un hobby. Si on se regroupe, c'est par nécessité pour protéger Baltimore et les valeurs de l'Amérique. Là, je vous rejoins complètement. Si tout le monde faisait comme vous, on aurait plus d'ordre dans ce pays. Le gouvernement ne protège plus les gens comme nous. Nous devons le faire, nous-mêmes. Des bandes armées se promènent régulièrement par ici et dans tout le Maryland. Et le gouvernement laisse faire. Vous êtes d'Alabama? Vous savez de quoi je parle? Je ne suis pas sûre. Je parle des bandes de nordistes et de nègres qui égorgent les propriétaires terriens du Sud. Ils passent par ici. Les abolitionnistes qui tuent les propriétaires d'esclaves? D'honnêtes propriétaires décapités devant leur famille. Oui, bien sûr. Ces gens sont terrifiants. Ils veulent donner les mêmes droits aux nègres. Ils sont prêts à toutes les horreurs pour imposer leur théorie absurde. Mais je ne savais pas que vous aviez ce genre de problème à Baltimore. Nous sommes en première ligne ici, à la frontière avec le Nord. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'esclaves par ici. C'est vrai. Mais ils rôdent. Les nègres effraient la population. Puisqu'on les laisse faire, ils reviendront sûrement. Mais on sera là pour les attendre. Vous savez, le Nord me fait peur. Et quand je vois ce que vous faites, ça me donne envie de m'engager. Moi qui pensais débarquer chez un voleur de rail, Ferrandini n'est peut-être pas un simple gangster. Il vibre quand il parle de politique. À moins que ce soit une comédie pour cacher ses activités criminelles. Il faut un menteur pour en démasquer un autre. Heureusement, il aime s'écouter parler et c'est un vilain défaut. Je saurais bien lui tirer les vers du nez. En quelques semaines, Kate Warne a réussi à se faire accepter parmi les volontaires nationaux. Ce soir, elle est autorisée à assister à sa première réunion secrète. Une réunion importante. Messieurs, je ne doutais pas de votre patriotisme, de votre esprit de sacrifice. Mais ça fait chaud au cœur de voir que vous vous êtes tous portés volontaires. Pour préserver le secret, on va tirer au sort le nom de ceux qui mèneront la mission. Vous allez prendre chacun une enveloppe, vous allez l'ouvrir sans montrer le contenu aux autres. Une dizaine d'entre vous trouveront un feuillet rouge. Les autres pourront rentrer tranquillement chez eux. Ceux qui auront le feuillet n'en parlez à personne. Les espions sont partout. Vous viendrez simplement me voir dans la semaine et je vous fournirai les instructions. Il reste encore beaucoup de choses à préparer. Messieurs, grâce à vous, Lincoln ne deviendra jamais président. Et s'il faut tuer un homme pour sauver le pays, c'est le prix à payer. Comme disait le Brutus de Shakespeare, ce n'est pas que je n'aimais pas César, mais j'aimais Rome davantage. Pour le bien de l'Amérique, Abraham Lincoln doit mourir. L'ambiance est électrique. Je donne le change comme je peux, mais l'annonce du projet d'assassinat a du mal à passer. Me voilà prise dans un jeu qui me dépasse. Je dois canaliser ma peur pour ne pas qu'elle me trahisse. Kate, vous venez d'assister à un moment historique, mais vous n'en saurez pas plus pour votre propre sécurité. C'était magnifique. Il ne vous reste que 3 mois avant que Lincoln ne prenne ses fonctions. Rassurez-vous, nous avons un plan. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passera quand Lincoln sera mort? Nous aurons un autre président qui protégera le vrai mode de vie américain, qui ne sera pas là pour humilier le Sud. Abraham Lincoln vient d'être élu 16e président des États-Unis le 6 novembre 1860. Il a fait sa carrière dans l'Illinois et pour le Sud, il incarne l'arrogance nordiste. Le Maryland est un État à la frontière entre le Nord et le Sud. Sa capitale, Baltimore, est une ville violente où les sympathisants du Sud sont nombreux. Ses rues sont le théâtre régulier de violences criminelles ou politiques. Lynchage, affrontements meurtriers entre bandes rivales ou avec les forces de l'ordre. Je ne comprends pas qu'on veuille tuer un président, alors qu'il suffit d'attendre 4 ans pour en changer. Comme avec Buchanan, l'actuel président, si mauvais qu'il n'a même pas osé se représenter. Je ne suis pas vraiment la politique, mais ayant grandi dans le Nord, je suis contre l'esclavage. Les extrémistes du Sud se trompent en voulant se débarrasser de Lincoln. Ça ne réglera pas leurs problèmes. Ils vivent dans un autre siècle. Ils doivent évoluer. Il aura suffi d'un seul petit télégramme à mon cher patron, Alan Pinkerton, pour qu'il se déplace en personne. C'est un abolitionniste convaincu et un inconditionnel de Lincoln. Et l'affaire est grave. Alan, ils sont persuadés que Lincoln veut abolir l'esclavage. Il n'a jamais rien dit de tel. En tout cas, officiellement. S'il le tue, on se dirige droit vers la guerre civile. Pour son investiture, Lincoln ira à Washington en train. Il n'y a qu'une ligne. Il doit passer par Baltimore. Il n'a pas le choix. Ils veulent le tuer à ce moment-là. On sait s'ils veulent le tuer dans la ville ou en dehors. Aucune certitude. Il y a des rumeurs concernant une attaque du train présidentiel, mais on parle aussi de meurtriers cachés dans la foule qui l'attendraient à son arrivée à Baltimore. Ils ne me font pas assez confiance pour m'en dire plus. Je me suis renseigné sur la situation politique locale. Lincoln est censé arriver en terrain ami, mais quand on y regarde de plus près, le gouverneur lui-même est un opposant. Il a annoncé qu'il ne le recevrait pas. Ici, comme ailleurs, il y aurait des traîtres à tous les niveaux de l'administration. Oui, j'ai croisé le chef de la police de Baltimore, le Marshal Kane. C'est même Ferrandini qui me l'a présenté, tu te rends compte? Il est acquis à leur cause. Je l'ai entendu dire devant le maire qu'il ne fournirait pas d'escorte policière pour Lincoln. Ça n'a choqué personne. Ils ont même ricané. C'est évident que nous ne pourrons pas faire grand-chose tout seuls. C'est une affaire d'État. Kate, tu vas demander au président une entrevue en privé. Inutile de préciser qu'il ne faut parler à personne d'autre que lui. Les États du Nord, plus peuplés et plus industrialisés, font pression depuis des années sur le Sud pour qu'ils abandonnent l'esclavage. Ces États, pauvres et beaucoup moins peuplés, s'y refusent, car leur économie repose sur la culture du coton. Le Nord, au nom de la morale, leur demande de se saborder. Le ressentiment est très grand dans la population sudiste, d'autant que le Nord leur impose de nouvelles taxes. Le point de rupture est atteint depuis les discussions sur le statut des nouveaux États conquis dans le Grand Ouest. Les États du Sud ont voulu leur imposer le statut d'État esclavagiste, mais ils ont échoué. Les représentants des nouveaux États viennent gonfler les rangs des abolitionnistes. En s'accrochant à son modèle d'un autre temps, le Sud décline économiquement et politiquement au sein de l'Union. Lincoln fut la voix des États du Nord pendant les débats contre l'extension de l'esclavagisme. Dès son élection à la présidence, 7 États du Sud annoncent leur sécession et les États limitrophes menacent de basculer. En février 1861, la situation de l'Union est critique. La guerre semble inévitable. L'avenir des États-Unis repose sur les épaules d'un homme dont on sait encore peu de choses. Mes amis! Mes amis! Personne n'est plus triste que moi de mon départ de cette belle ville de Springfield. J'ai tant de souvenirs dans cette ville, où j'ai vécu plus d'un quart de siècle. Cette ville qui a vu naître mes enfants et où l'un d'eux est enterré. Je pars. Nul ne sait quand ou même si je reviendrai. Le peuple américain m'a donné sa confiance. J'ai maintenant un devoir à accomplir à Washington. Priez pour moi et pour notre succès. Sans vous et sans le Seigneur, je ne pourrai pas réussir. Je vous dis adieu et que Dieu veille sur vous tous. Bravo! Le 11 février 1861, à Springfield, son fief de l'Illinois, Abraham Lincoln s'adresse à la foule qui s'est amassée devant la gare. Puis Lincoln monte dans un train spécial pour entamer une tournée des villes américaines qui doit se terminer le 4 mars pour son investiture à Washington. Il veut rencontrer et rassurer les Américains qui ne le connaissent pas encore. Le 19 février, 4 jours avant d'arriver à Baltimore, Lincoln fait escale à New York. Ça fait 10 minutes que le président nous parle depuis le balcon de son hôtel et on n'entend rien. D'après un flic, on est 200 000 dans les rues de New York. Ça fait quand même du bruit, même si les gens sont loin d'être enthousiastes. Il n'a pas été beaucoup applaudi jusqu'ici. Tout le monde se demande ce qu'il vaut, ce grand bonhomme. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Pour l'instant, on le voit juste s'agiter, de loin. Ici, c'est ma ville. Je sais ce que les gens veulent. Ils veulent préserver l'union du pays, pas pour de grands principes, mais pour que New York reste géographiquement incontournable. Le reste, les New-Yorkais s'en fichent. C'est urgent, la situation est urgente, je ne dirais Madame pas... Warne, si je vous reçois dans ce train, c'est parce que vous venez de la part de Pinkerton. Vous n'avez pas vocation à vous mêler de la sécurité du président. Alors, dites-moi ce que vous avez à dire. Colonel Lemon, je ne peux pas vous en parler. L'affaire est très grave. Il faut que je parle au président directement. Je suis en charge de sa sécurité. Vous pouvez parler sans crainte. Je pensais que c'était le général Scott. Oui, il s'occupe d'une partie de sa sécurité, du point de vue militaire. Moi, j'assure sa protection rapprochée. Il n'y a pas un coordinateur ? Non ! Mais quel est le rôle de Monsieur Wood, alors ? Qui ça ? Monsieur Wood, le superintendant qui s'occupe des accès au train présidentiel. Vous ne savez pas qui c'est ? J'ai dû le croiser. Oh, pourtant, c'est un poste clé. Chacun est à son poste et ça fonctionne bien comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que Monsieur Lincoln est potentiellement entouré d'espions et que vous n'en savez rien. Pour l'instant, la sécurité autour de lui n'est pas suffisante. Vous êtes fait déborder par la foule à Buffalo. Le président a failli être écrasé. Nous avons réussi à l'exfiltrer sans dommage. Ce sont les risques des grands rassemblements. Oui, mais c'était avec une foule amicale. Imaginez si la foule est hostile. Écoutez, je ne veux pas polémiquer et je vous assure que je ne veux pas prendre votre place. Je veux juste empêcher un attentat. Laissez-moi lui parler. Madame Warne, si vous ne voulez pas m'en dire plus, nous allons devoir en rester là. On ne vous a pas attendu pour prendre les mesures pour protéger le futur président. J'ai pu observer le colonel ces derniers jours. Il joue les gros bras, mais il manque cruellement d'expérience. Il s'est autoproclamé responsable de la sécurité parce qu'il est ami avec le président et parce que personne n'a osé défier ce colosse. Mais moi, il ne m'impressionne pas. Les autorités ont quand même pris la mesure du risque qui pèse après l'élection d'un président élu par le Nord et détesté par le Sud. D'autant que l'investiture aura lieu à Washington, géographiquement proche des territoires du Sud. Une commission d'enquête a été nommée. 5 représentants du Congrès sont chargés d'évaluer le risque d'assassinat, d'émeutes et même d'attaques militaires sur Washington par des troupes sécessionnistes. La commission auditionne entre autres le chef des volontaires nationaux de Baltimore, Cipriano Ferrandini. Monsieur Ferrandini, avez-vous connaissance d'aucune organisation, aucun corps militaire, société secrète ou association d'individus qui aurait pour but d'empêcher l'investiture de M. Lincoln le 4 mars ? Non, monsieur. Ou de l'empêcher de passer à travers le Maryland et la région de Baltimore ? Non, monsieur, je n'ai rien entendu de tel. Mais ce groupe que vous dirigez, les volontaires nationaux, c'est bien un groupe paramilitaire. Vos membres sont armés. Non, monsieur. Le groupe fait des entraînements militaires, oui, mais nous ne possédons pas d'armes. Votre groupe a-t-il l'intention d'assister à la cérémonie d'investiture ? Non, monsieur. Le groupe n'a pas prévu de se rendre à Washington. Si c'était le cas, je serais au courant. La mission du groupe est uniquement d'empêcher une invasion des extrémistes venant du Nord. Sans preuve ni témoin, le comité ne peut prouver l'existence d'un réel danger. Ferrandini et ses sbires passent entre les mailles du filet. Pendant ce temps, Alan Pinkerton rejoint Kate Warne et le train présidentiel à Philadelphie. En faisant jouer ses contacts, il obtient finalement une entrevue avec Lincoln le 20 février, 3 jours avant son passage à Baltimore. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec le président. Nous aurons quelques minutes pour tenter de le convaincre. Ouais, une bonne nouvelle. Il y a du nouveau à Baltimore ? Rien. J'ai pris ta place auprès des volontaires nationaux. Et on dirait qu'ils ne font plus de réunion. Leur plan doit être prêt, ils n'ont plus qu'à attendre. Ferrandini tient son salon de coiffure comme si de rien n'était. J'ai laissé quelques hommes sur place pour les surveiller. Quelle est l'ambiance ici, à Philadelphie ? On est arrivé ce matin. Pour l'instant, c'est mieux qu'à New York. Là-bas, l'accueil était plutôt froid, mais ça n'a pas eu l'air de déranger le président. Ça ne me surprend pas. Je l'ai croisé une fois. J'ai été frappé par son naturel très calme. On verra s'il le restera après ce qu'on va lui annoncer. C'est gentil à vous de vous être déplacé, Monsieur Pinkerton, mais comme je disais à Madame Warne, nous avons déjà pris beaucoup de précautions pour la sécurité de Monsieur Lincoln. Monsieur le Président, Monsieur Lemon, merci de nous recevoir. Je ne me serais pas permis d'insister si la menace n'était pas très sérieuse. Dites-moi de quoi il s'agit. Madame Warne, ici présente, est tombée par hasard sur une réunion de conspirateurs dans la ville de Baltimore. Monsieur le Président, il s'agit d'une bande armée appelée les Volontaires Nationaux. Ils ont prêté serment de vous tuer sur le chemin de Washington. Ils ont prévu de le faire quand vous passerez à Baltimore. La commission d'enquête a conclu qu'il n'y avait pas de risque pour le président à Baltimore. Et nous avons déjà auditionné le chef des Volontaires Nationaux. Je ne le savais pas. Si c'est Ferrandini que vous avez interrogé, il est impliqué dans le complot. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous en parle. Monsieur le Président, je vous conjure d'abandonner votre itinéraire. Il faut que vous partiez sur le champ pour Washington. C'est impossible. Nous venons juste d'arriver à Philadelphie et j'ai promis de hisser le drapeau américain sur le Independence Hall demain matin. C'est là que le 4 juillet 1776, les 13 premiers États d'Amérique, dans le but de s'affranchir de la souveraineté britannique, avaient rédigé la Déclaration d'indépendance. Un symbole important. Je comprends, Monsieur le Président. Mais c'est justement ce genre d'événement public qui est très dangereux pour vous en ce moment. Tout votre itinéraire est détaillé dans la presse, heure par heure. Si vous restez sur ce programme, les tueurs ont tout le loisir de programmer leur attaque. Il faut le modifier au plus vite. J'entends ce que vous dites, mais ma décision est prise. Je reçois des menaces de mort tous les jours et le pays attend de moi une certaine force d'âme. Quelle image je donnerais si je m'enfuyais devant le danger ? Le président est cordial, mais ferme. Sa décision semble arrêtée. Il nous raccompagne à la porte. Une fois dans le hall de l'hôtel, je ne sais que penser. Mais Pinkerton s'obstine. Nous le protégerons, même contre sa volonté. Nous décidons de prolonger notre séjour auprès du président. Je n'ai jamais eu de conviction politique qui ne soit pas directement inspirée de la Déclaration d'indépendance. Je pense souvent aux hommes qui se sont rassemblés ici pour adopter cette déclaration. Je pense souvent aux épreuves qu'ils ont dû surmonter. Je me suis souvent demandé quel grand principe a pu nous fédérer, nous, Américains, pendant aussi longtemps. Ce n'était pas simplement l'envie de briser nos chaînes et s'émanciper de la Grande-Bretagne. Il y a quelque chose dans cette déclaration qui promet la liberté, pas seulement pour les citoyens de ce pays, mais pour tous les hommes du monde. C'est la promesse que dans le futur, tous les hommes auront les mêmes droits. C'est cela l'esprit de la Déclaration d'indépendance. Maintenant, peut-on sauver ce pays avec un tel projet ? Si c'est le cas, et si je peux y contribuer, je serai l'homme le plus heureux du monde. Si on n'arrive pas à rallier tout le monde autour de cette idée, ce sera une tragédie. Mais je suis persuadé que c'est possible. Et je préfère être assassiné sur le champ plutôt que de renoncer. Avec ces paroles prophétiques, dans ce discours entré dans l'histoire, Abraham Lincoln fait savoir qu'il ne fera pas de compromis avec le Sud. Il affirme sa détermination. À demi-mot, il laisse entrevoir l'abolition de l'esclavage. Pinkerton avait raison. Il a du cran, ce président. Il est même un peu inconscient. Mais ce matin, il s'est passé quelque chose. Un militaire est venu nous voir à l'hôtel. Lincoln veut nous parler. Monsieur Pinkerton, Madame Warne, j'ai beaucoup réfléchi après notre rencontre d'hier. Entre-temps, nous avons reçu des éléments nouveaux, des informations qui confirment les vôtres. Nos agents craignent un attentat dans la région de Baltimore. Donc, je suis prêt à suivre votre plan. J'en suis très soulagé, Monsieur le Président. Après votre discours de ce matin, j'ai eu peur que vous choisissiez de rester exposé. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais vous m'avez convaincu du danger. Il ne s'agit pas seulement de ma personne, mais de la gouvernance du pays. On sait qui doit accueillir le président à Baltimore ? Non, il semble que personne ne sache vraiment ce qui est prévu. Non mais c'est incroyable, sans nous, ils auraient jeté Lincoln dans la gueule du loup. Bon, voilà ce que nous allons faire. Faire croire jusqu'à la dernière minute que le président se rend à Baltimore. Mais en réalité, on le conduira directement à Washington. Le problème, c'est que le train pour Washington passe par Baltimore. Et deuxième problème, j'y pense, à Baltimore, on est obligé de changer de gare. Et donc de traverser la ville. La seule solution pour limiter les risques est de faire tout ça de nuit. Il y a autre chose. Ce sera difficile de le faire voyager dans un train régulier. Pourquoi ? Le président fait plus de 2 mètres. Avec son visage si reconnaissable, il sera vite repéré. Ouais. C'est très juste. Alors on affrète un train spécial. On va attirer l'attention si on retarde les trains réguliers pour laisser passer celui du président. Bon alors, tu proposes quoi ? Pinkerton n'aime pas être contredit par un employé. Une femme de surcroît. Mais je me le permets car je sais qu'il a confiance en moi. Nous avons eu une aventure il y a quelque temps. Et même si elle est maintenant derrière nous, nous en avons gardé une certaine complicité. Il me laisse prendre l'initiative. Il sait que j'aime sentir la montée d'adrénaline. Le temps presse. Le président devait partir le 23. J'avance son départ à ce soir, le 22, pour traverser Baltimore de nuit. Le soir, Lincoln est invité à dîner par le gouverneur Curtin. Une foule de curieux attend à l'extérieur. Tout doit laisser penser que le président passera une nuit supplémentaire à Philadelphie. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Colonel Lemon. Monsieur Pinkerton n'est pas là. Non, il est à l'avant. Ah. Monsieur le président, vous voyagerez avec moi. Parfait. J'espère que votre exfiltration s'est bien passée. Ça en était presque amusant. J'ai dû me changer dans les toilettes du gouverneur et sortir par derrière, comme un écolier qui fait le mur. Heureusement, le gouverneur était dans la confidence. Je m'en serais voulu de lui fausser compagnie comme ça. Vous n'avez rien vu de suspect, colonel Lemon ? Non. La foule était devant la maison. Personne ne nous a vus sortir par l'arrière. Et à la gare, personne ne nous a reconnus non plus. Parfait. Je suppose que c'est dans ce wagon que nous allons faire le trajet ? Oui, monsieur le président. Nous avons préféré vous faire voyager sur un train régulier, mais dans un wagon privatisé. Les wagons de tête accueillent les autres voyageurs. Des policiers sont disséminés parmi eux au cas où. Je vais me permettre de vous donner les consignes de sécurité. Bien entendu. Je vous écoute. On ne peut plus reculer, de toute façon. Je ferai la liaison avec l'extérieur en cas de besoin. J'ai réservé le wagon en me faisant passer pour une riche rentière qui voyage avec son frère souffrant. Pour la durée du voyage, vous serez donc ce frère que personne ne doit voir. Il est important de ne jamais ouvrir les rideaux. Bien compris. Officiellement, colonel Lemon est notre homme à tout faire. L'un de nous deux restera auprès de vous à tout moment. Oh. Voyager la nuit comporte des risques supplémentaires. En 1861, la vitesse de pointe d'une locomotive est de 50 km/h. Mais la nuit, la vitesse est réduite. Il faut pouvoir repérer si les rails sont obstrués, parfois accidentellement, parfois par malveillance. On doit aussi s'arrêter tous les 30 km pour remplir la citerne du moteur à vapeur. Chacun des 30 arrêts entre Philadelphie et Baltimore est une menace supplémentaire pour la vie du président. Voilà. Jusqu'ici, tout se passe bien. Le colonel Lemon est resté à l'avant. Ah. Quelle heure est-il ? 11h30, monsieur le président. La plupart des passagers dorment déjà. On doit arriver à quelle heure ? Vers 3h du matin. À Baltimore, nous devrons traverser la ville pour changer de gare. Ah. Très bien. Rien à signaler ? Non, tout va bien. Des agents sont postés sur le chemin. Ils agitent leurs lanternes pour nous confirmer qu'il n'y a pas de danger. Je vois que vous avez pris toutes les mesures nécessaires. Nous avons déjà passé la frontière ? Oui, monsieur le président. Nous sommes maintenant dans le Delaware. C'est la première fois du voyage que je passe du côté des États esclavagistes. Mais le Delaware n'est plus esclavagiste que de nom. Savez-vous que 90% des esclaves ont déjà été libérés ? Il y a une forte communauté Quaker ici, et c'est contre leurs principes. Nous approchons de Havre de Grâce. Il n'y a pas de pont à cet endroit. Le fleuve Susquehanna est trop large. Il va falloir prendre le ferry. Havre de Grâce est comme un petit Baltimore, un repère de comploteurs. Les sympathisants sudistes y ont pignon sur rue. Je descends et j'observe l'installation des wagons sur le ferry. Le point du trajet où le président est le plus exposé. Nous sommes à la merci d'un simple canon qui nous coulerait aussi sûrement qu'une enclume jetée dans l'eau. Pendant la traversée, le président sort se dégourdir les jambes, dissimulé dans une cape. Il me voit dans un coin, nerveuse. Il m'apporte gentiment un café. C'est avec soulagement que je vois le bateau atteindre la rive. C'est bon, on va repartir. C'était agréable de prendre un peu l'air pendant cette traversée. Vous ne craignez pas qu'on m'ait reconnu ? Bon, je ne pense pas. Il faisait sombre et vous avez été très discret. Les voyageurs étaient à moitié endormis, de toute façon, ils n'y ont vu que du feu. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous reposer si vous voulez, monsieur le président. C'est une bonne idée. Je vais lire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Reposez-vous bien. Il est très calme, étant donné les circonstances. Il est toujours comme ça. Ça va, vous ? Oui, merci. Qu'est-ce qui vous fait rester auprès du président ? Vous avez vu, c'est un homme incroyable. On pourrait le suivre jusqu'en enfer. En plus, je suis du Sud. Je ne suis même pas pour l'abolition de l'esclavage. Mais je ne sais pas. Cet homme a un truc. C'est vrai qu'en l'approchant, on tombe sous le charme. Quand on fait abstraction de ses roues flaquettes et de ses pantalons trop courts. Vous m'accompagnez pour un petit verre ? Non, merci, mais je préfère garder les idées claires. Ça vous donnera du courage pour l'arrivée à Baltimore. Pourquoi ça ? Pour l'instant, tout est calme ? Vous ne savez pas tout. Et le président non plus. On a reçu un rapport de nos espions hier soir. Nos agents à Baltimore ne parlent pas seulement de la dizaine de comploteurs des volontaires nationaux, mais carrément de plusieurs organisations qui auraient prévu d'agir en même temps. Ils parlent de centaines d'assaillants potentiels. On risque le lynchage. Vous vous rappelez l'élection de Buchanan, il y a 4 ans ? Oui, il avait été malmené à Baltimore. Mais le contexte était beaucoup plus apaisé. Alors, prions pour que la nouvelle de notre arrivée n'ait pas été ébruitée. Après cet aveu, je change d'avis et me sers finalement un verre de whisky. Lui en est déjà à son 5e. Le train nous berce encore un long moment, puis ralentit, et nous arrivons au terminus de Baltimore. Il est 3h20 du matin. Je descends en même temps que les passagers. La gare est calme. Lemon, j'aimerais faire parvenir un télégramme à Philadelphie pour prévenir ma femme de notre arrivée. Je suis désolé. C'est impossible. Nous avons coupé toutes les lignes. Monsieur Pinkerton me confirme que tout est calme, monsieur le président. Qu'est-ce que c'est ? Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On attache le wagon à des chevaux. Ils vont nous transporter jusqu'à la gare de Camden Street. Le train pour Washington nous y attend. Un mile sépare les deux gares. Malgré l'heure tardive, des chants de partisans sudistes résonnent dans les rues. Heureusement, il ne s'agit que de quelques fêtards qui tardent à rentrer chez eux. Au bout de 30 minutes, le wagon présidentiel atteint enfin la gare de Camden Street. Qu'est-ce qu'on attend ? La locomotive n'est pas arrivée. Pourtant, elle devrait déjà être là. C'est sûrement un simple retard. Ça va, monsieur le président ? Oui, très bien. Attendons. Je goûte une dernière fois les aléas de la vie d'un passager normal. L'ambiance est pesante. Le président et la poignée d'hommes qui l'accompagnent sont exposés et vulnérables, contraints d'attendre au cœur même de la zone de danger. De longues minutes s'écoulent. Le sifflet du train retentit enfin, comme une libération. C'est la fin d'une longue angoisse. Au petit matin, nous arrivons enfin à Washington, où nous sommes accueillis par des représentants du Congrès. Le président s'est comporté de manière héroïque tout au long du trajet. Il est évident qu'il est taillé pour la fonction. Malheureusement, suite à cet épisode, la presse en jugera autrement, l'accusant d'avoir fui comme un lâche. Il en sera très affecté, au point de prendre des risques par la suite avec la sécurité. Pourtant, je suis fière d'avoir participé à cette mission. Je sens que cet homme va marquer de son empreinte l'histoire de notre pays. Le jour de notre arrivée à Washington, de son côté, à Baltimore, le maire a longtemps attendu le train présidentiel qui était censé arriver. Il attendait Lincoln dans un carrosse découvert, avec l'idée de le faire parader dans les rues. Des hommes des volontaires nationaux étaient dispersés dans la foule. Mais en l'absence du président, la parade a été annulée. Nul ne sait ce qui se serait passé si Lincoln était monté dans ce carrosse. Le complot de Baltimore de Vincent Hazard avec Flora Brunier, Kate Warne, Stéphane Bernard, Ward Hill Lehman, Éric Chalier, Abraham Lincoln, Aymeric Le Cerf, Alan Pinkerton, Xavier Xapla, Cipriano Ferrandini, Sophie Bézard, Ariette Ferrandini, Martin Sells, le représentant du Congrès, et les voix de Léo Reynaud et Jean-Luc Vincent. Bruitage Elodie Fiat, assistance technique et montage Émilie Couette, prise de son et mixage Cédric Chatelus, assistante à la réalisation Lee Torquia, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous retrouvons Liliane Kerjean pour parler d'Abraham Lincoln. Autant on emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. I am a poor wayfaring stranger traveling through this world alone. There is no sickness, toil, nor danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home, no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over and steep, but golden fields lie out before me, where weary eyes no more will weep. I'm going home to see my father. I'm going home. Stranger par Jack White, une chanson tirée de la bande originale du film Retour à Cold Mountain. Sur France Inter, dans Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Marion Lelay, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Elisabeth Collet. Liliane Kerjean, cette histoire du complot de Baltimore est assez incroyable. On se rend compte qu'en 1861, Lincoln, à peine élu, a bien failli être assassiné avant même son investiture. Et si il a survécu à ce complot, eh bien c'est grâce à la perspicacité, à l'engagement de Kate Warren et d'Alan Pinkerton, des détectives privés. C'est incroyable que la sécurité du président des États-Unis à l'époque n'était pas une priorité comme elle l'est aujourd'hui. pas du tout, parce qu'en fait, Lamon est simplement un ami qu'il a rencontré comme avocat lorsqu'il était avocat itinérant dans l'8e circuit. Comme vous disiez, c'est un grand buveur, c'est un solide gaillard. Donc, il a appuyé sa candidature, il avait fait partie de l'équipe de campagne. Et puis, c'est tout, il n'a pas vraiment de compétences, il est un peu armé. Au moment de la seconde investiture, il va dormir en travers de la porte de la chambre de Lincoln à la Maison-Blanche. C'est dire qu'il lui vaut un culte total. Mais pour autant, ça n'est pas un professionnel de la sécurité. Et Baltimore est particulièrement un foyer remuant. C'est un grand port de mer. Et finalement, il y a toutes sortes d'influences du sud, du nord qui s'y passent. La première ligne de télégraphe Baltimore-Washington, 42 miles, est créée là. Donc c'est une grande ville, Baltimore. C'est un creuset. L'Académie Laval est là aussi. Donc Baltimore, c'est une étape importante dans le circuit que Lincoln entreprend. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite pour Abraham Lincoln ? Donc il survit au complot de Baltimore, mais il ne va pas malgré tout réussir à empêcher le déclenchement de la guerre de sécession, quelques mois plus tard. Non, parce que au cours du voyage en question, d'abord les États font sécession, et pire encore, le 16 février, le Sud se dote d'un président de la Confédération, Jefferson Davis. Donc on a quand même une situation paradoxale, on a un président qui arrive à Washington pour son investiture, et pendant ce temps-là, le Sud a élu son président. C'est ce qui va déclencher la guerre ? Ça va faire la guerre de sécession, avec le noyau du Sud au départ. Et puis l'idée, c'est évidemment de combattre et d'avancer graduellement le terrain des opérations pour finalement investir la capitale et faire chuter le président. Mais la situation est très tendue et finalement, le Nord est battu violemment au départ. Si bien que ça va amener Lincoln, d'une part, à supprimer certains droits fondamentaux, alors il sera très critiqué là-dessus, et puis aussi à engager dans la bataille les Noirs. Et paradoxalement, cette guerre de sécession va être gagnée grâce à l'appoint des Noirs qui vont combattre dans les troupes de l'Union. Et du côté du Nord. Et du côté du Nord. Donc cette guerre de sécession, Lillian Kerjean, elle va être extrêmement violente, extrêmement meurtrière aussi. Une hémorragie totale pour le pays. Et le pays n'avait pas besoin de ça, puisque déjà le Nord s'industrialisait et il y avait une vague d'immigration importante, en particulier des Irlandais et puis des Allemands. Mais il fallait les installer. La machine économique et la machine industrielle étaient lancées. Mais elle avait besoin d'une situation stable. Et là, c'est... Tous les foyers sont touchés par la guerre de sécession. Oui, une guerre très moderne qui annonce un peu les guerres du XXe siècle. Et oui, et on combat pied à pied, on fait mouvoir d'immenses troupes. C'est absolument terrifiant. Quand il y a des pluies, quand il y a des crues, les blessés sont noyés. Il y a évidemment très, très peu de secours. Enfin, c'est terrifiant, c'est un carnage. Lincoln, malgré tout, va être assassiné pour de vrai, cette fois-ci, en 1865, le 14 avril 1865, non pas dans une attaque de train, mais dans un théâtre à Washington. Est-ce que c'est encore des hommes du Sud qui organisent ce complot contre lui et qui réussissent ? C'est un acteur qui est familier du théâtre Ford. Et Lincoln, quand il a un peu de loisir, vous avez vu que dans le train, il se mettait à lire. C'est un grand lecteur. Et son idée du divertissement, c'est tirer à la carabine avec ses fils et une petite escorte derrière la Maison Blanche, ou bien aller au théâtre. Et ce soir-là, il va au théâtre avec sa femme et quelques amis, et Lamon donc. Et bien, il s'agit d'une comédie anglaise qui est jouée. Il arrive un peu en retard. Et donc, le comédien qui est très familier des lieux, Booth, eh bien, va pouvoir entrer par l'arrière, se glisser au premier étage, voir où est la loge qu'on a aménagée pour la soirée, et tirer à bout portant. Et pourquoi cet homme, justement, l'a tué ? Pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il avait des sympathies sudistes, et il pensait que Lincoln, depuis le début, faisait le jeu des intérêts du Nord, et avait un mépris pour le mode de vie du Sud, et ses plantations, et toute cette économie basée sur l'esclavage. Donc Booth était une tête brûlée qui a trouvé un moyen de se rendre célèbre parce qu'il avait aussi un déficit de notoriété parce qu'il était le fils d'un acteur plus célèbre. Et donc le voilà qui se met en tête de faire un petit complot à quelques-uns et il l'a fait tout à fait sans difficulté, tout seul finalement. Liliane Kerjean, Lincoln, encore aujourd'hui, est un président très populaire aux États-Unis. Son visage si particulier est gravé dans la roche, même sur le mont Rushmore, cette fameuse falaise où ont été sculptés les visages des grands-pères fondateurs des États-Unis. Pourquoi est-ce que Lincoln est considéré comme un des plus grands présidents américains? Vous dites dans votre livre qu'il est un des acteurs majeurs de l'évolution politique des États-Unis. Oui, parce qu'il a maintenu l'union envers et contre tout. Parce que si le Sud faisait sécession et se réorganisait avec son président élu à l'unanimité Jefferson Davis, en était terminé des États-Unis d'Amérique. Il y avait à ce moment-là une partition, le Nord, le Sud, et chacun menait son chemin. Donc Lincoln a très bien compris que la philosophie qui devait prévaloir, c'était celle des Lumières, celle de la liberté, celle d'une force qui se faisait respecter. C'était déjà le message de Washington. Restons entre nous, ne nous mêlons pas des affaires étrangères, consolidons-nous et faisons-nous respecter. Et c'est ça que Lincoln va réussir, bon an, mal an, eh bien, l'État fédéral va triompher et il envisage déjà la reconstruction. Et il envisage la tolérance et le pardon. Et Lincoln, c'est l'homme du 13e amendement de la Constitution qui donc abolit l'esclavage. Et oui, donc en 1865, en février, eh bien, il propose cet amendement à la Constitution des États-Unis. Et c'est une victoire qu'il considère comme une grande victoire morale, puisque son amendement est voté à une large majorité. Victoire de très courte durée, puisqu'il fait un deuxième mandat qui va être achevé par, malheureusement, son assassinat dans la loge du théâtre. Une ironie de l'histoire, Liliane Kerjean, le train funéraire qui a transporté la dépouille de Lincoln depuis Washington, donc pour que les citoyens américains puissent lui rendre hommage au lendemain de son assassinat, pour se rendre jusqu'à la ville de l'enfance d'Abraham Lincoln, donc Springfield, là où il avait fait ce fameux discours. C'est le même parcours dans lequel Lincoln avait failli être assassiné, donc le complot de Baltimore. Ce train va recevoir un accueil absolument triomphal dans toutes les cités où il va passer, avec des déplacements de foule, à commencer par la Maison Blanche où tout le monde porte un brassard, où des noirs font des haies, où le cheval, où les serviteurs noirs et blancs accompagnent sa dépouille. C'est extrêmement émouvant. On a rarement vu aux États-Unis un salut populaire de cette ampleur et une reconnaissance pour un parcours politique, car les Américains, au moment de son assassinat, ont bien compris finalement que ce qui importait, c'était l'union, c'était la solidarité nationale, et que Lincoln avait permis de la maintenir et éventuellement de la rétablir. Donc ce train funéraire va effectivement fermer ce parcours de Lincoln qui revient auprès des siens et qui revient là où il a été avocat et là où il a débuté une carrière. Et Barack Obama, on peut le rappeler, c'est à Springfield, donc la ville d'Abraham Lincoln. C'est là qu'il avait choisi en 2007 d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Un symbole. Oui, et il était également allé faire une soirée avec Michelle Obama au Théâtre Ford en hommage à Lincoln. Donc Lincoln est une des références cardinales du président Obama depuis le départ et il s'y tient. Merci beaucoup Liliane Kerjean, je signale donc votre biographie Abraham Lincoln qui sort dans quelques jours chez Gallimard dans la collection Folio. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Merci à France Bleu Armorique. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le dessin que Nina Lueck, notre excellente Nina Lueck, a réalisé spécialement pour l'émission d'aujourd'hui. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Madame Bovary au tribunal, le procès de Gustave Flaubert en 1857 ou encore Moscou 1917, une histoire d'amour très romanesque dans l'univers du théâtre d'art en pleine révolution d'octobre. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai l'histoire de Georg Elser, un homme injustement méconnu, un Allemand ordinaire qui, en 1939, tout seul dans son coin, a fomenté un attentat contre Hitler. À 11 minutes près, la Seconde Guerre mondiale et ses millions de morts auraient peut-être été évités. Je recevrai Hélène Camarade, l'historienne, pour parler de la résistance allemande. À dimanche prochain.